très blanche dans un instant pour ce dernier live de cette fête de la musique en direct sur Fadjet. Pierre, toujours avec nous ? Mais oui, toujours présent, toujours à l'appel. Tu vas nous les présenter rapidement ? Alors je vais vous les présenter. Alors les gars, il y a un truc qui ne va pas du tout. C'est que j'anime une émission qui s'appelle Couleur locale, une demi-heure avec les artistes de la région, et je ne vous ai jamais eu encore. Avez-vous une excuse à m'offrir ? On n'a peut-être pas été invité encore, je crois. Ah, ça doit être ça, effectivement. Alors, vous êtes cordialement invité. Alors, craie blanche, ça veut dire que vous avez eu des traumatismes d'enfance liés à votre scolarité ? Ou peut-être que vous êtes prof ? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Les deux, je pense. Les deux. Alors, craie blanche, il y a un EP à l'ombre d'une souris. Et c'est quoi comme style ? Pas la souris, hein, le style de musique. Comme style, c'est un melting pot de tous les styles qu'on peut écouter. On est depuis tout jeune bercé dans diverses influences qui vont du métal jusqu'aux choses beaucoup plus, jusqu'aux Beatles. Donc l'éventail est vraiment très très long. Alors après, on n'a pas la prétention de faire du Beatles, mais voilà, c'est un melting pot, c'est un arc-en-ciel de... Une salade vosgienne ce soir sur Fadjet. Ouais, c'est le bon terme. Je vais laisser parler mon acolyte. Très très bien. Guitare, batterie, craie blanche, est-ce qu'on peut... On peut y aller, Aurélie, je pense. Mais bien sûr, on va terminer. On va juste rappeler rapidement à nos auditeurs de nous rejoindre, 47 rue Charles III. Si vous vous baladez au centre-ville pour conclure cette fête de la musique Fadjet, n'hésitez pas à nous rejoindre avant d'aller faire un petit tour en ville pour la soirée. Ici, l'avantage, c'est qu'on est juste entre nous, tranquillement. Il n'y a pas 3, 4, 5 groupes qui sont les uns à côté des autres, et moins de cacophonie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Craie blanche pour ce dernier live sur Fadjet. À tout à l'heure. Le capitaine s'avance, bercé d'ombre et de silence. Un brin têtu, par philanthrope, une brume ténue nous enveloppe. Faisant mystère de nos errances, faisant ombrage à nos absences. La passerelle amarrée nous offre son exil vers les criques encaissées. À la gaieté fragile de sa main, il accueille les passagers d'une nuit d'un revers. Il balaye les fantômes d'une vie. Nous sommes seuls à contempler nos histoires émergentes, nos futurs immergés, nos présents qui s'évanouissent. Il a tout vu, il a tout fait, même l'impossible à s'en brûler. Et ce rafio encore vaillant a-t-il l'âme d'un guerrier, d'un baroudeur, d'un conquérant? La réponse s'agite à l'horizon, la tempête gronde. Un éclair qui crépite sans que les masques sous nous ne tombent. La traversée est à nous, pas une croisière, pas quelques mètres. bout à bout, juste la traversée d'un désert. La traversée d'un désert. Traverser dans le désert. Traverser dans le désert. Traverser dans le désert. Traverser dans le désert. Merci. Sur les rives du Delta, les uniformes changent. Charlie boit du whisky sur le bout de la langue. L'écho des résonnes aux éclats de verre. L'écho des résonnes aux croisées de fer. Marche peu de soldats à déchirer la nuit. Roule des mécaniques en crevée d'ennui. Marche petit soldat, à déchirer la nuit. Roule des mécaniques, en crevé d'ennui. La fleur au fusil, tu ménages ta monture. À la revue des troupes, la trompette te rassure. Tu flottes sous les drapeaux, et la foule s'en dimanche. Le capot sur l'échafaud, dans tes rêves de revanche. Marche petit soldat, à déchirer la nuit. Roule des mécaniques, en crevé d'ennui. Marche petit soldat, à déchirer la nuit. Roule des mécaniques, en crevé d'ennui. Font parler la poudre, à en perdre la voix. Donne du grand à moudre, à ses moulins à vent. Trinque à la perme. À ces bouquets de femmes, tu désertes par peur d'être décoré sous la flamme. Marche petit soldat, à déchirer la nuit. Roule des mécaniques, en crevé d'ennui. Marche petit soldat, à déchirer la nuit. Roule des mécaniques, en crevé d'ennui. Merci. On va se poser quelques questions. On va demander à la poussière. Quand la morsure du soleil envahit le fronton, officines bondées sont l'écho de la rue. La rumeur a-t-elle toujours des envies de vertu? Les ponts sèches se vident de la couleur pastel. À la fin de décembre, serons-nous immortels? Amons-nous de patience. Pourrons-nous donner la parole à la défense? Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. De nous, comment pouvons-nous sortir la tête du trou? Le vent se lève et se précipite. Tombons-nous encore dans la course au mérite? Les nuées de poissons s'abattent sur les plaines. Où le courage a-t-il péché dans le haine? En léger descendent nos désirs. Quoi brûler nos ailes avec l'ardeur des martyrs. Les greniers oubliés se font bientôt entendre. Ont-ils donné raison à leur très longue attente? Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Demande à la poussière. Merci. Désolé pour les petits soucis techniques. Pour un petit voyage à l'ouest des Miradors. J'aperçois ta peau écarlate, la maison des sortilèges où le temps se dilate. reste des miradors. Le manège est en flammes, les éoliennes s'abreuvent des chevaux de Reagan. À l'ouest des miradors, l'herbe est plus verte, taillée sous le pied, jamais elle ne rêve. Des miradors, les siamoises aux jumelles, le tapis dans l'ombre se font la courte échelle. À l'ouest des miradors, les steppes se déguisent, les sablés se dégustent quand les rafales se brisent. Salut des plaines en crue, aux formes fuselées. À l'ouest des miradors, les gardiens de cas s'effondrent sous les châteaux de cas. Des miradors, des émirs se dorent, se mirent, s'adorent. À l'ouest des miradors, des émirs se dorent, se mirent, s'adorent. Merci. J'ai vu ton cirque, ton aplomb à pic. Tu perçais des mystères et quelques coffres forts enfermés en nos étés. À contre-jour des méduses nous jetait la pierre. Des torrents coulaient sur des femmes sans tête, des rivières s'enlaçaient à ne plus voir la mer. Au barrage est lancé une pleine bouteille amère. Des gorilles dans la brume pour une place au soleil, de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre. Merci. On va faire un petit tour dans la chambre noire. Pardon, c'est moi. C'est parti. La chambre noire à revoir le film surexposé, on se sent plus flou. Dans la chambre noire, je prends tes jambes à mon cou. Fuyons, fuyons, je passe plus au révélateur, je vois plus passer les heures. Des ébats contrastés me reviennent entrelacés. Dans la chambre noire, dans la chambre noire, dans la chambre noire, dans la chambre noire. Obturateur bloqué, laisse le cheese au Ouistiti, laisse le flash voiler la pellicule. Prends la pause, prenons une pause, mise au point. T'es plus dans l'objectif, juste une ombre à demi nu, un portrait trop lissé. J'arrive à saturation. Dans la chambre noire, dans la chambre noire, dans la chambre noire, dans la chambre noire. Thank you. champ noir. Dans le champ noir. Dans le champ noir. Dans le champ noir. Merci. Ok. Charlie, 2. Charlie, numéro 2. Sur les planches, bien décidé à les brûler, à enfin prendre sa revanche, sa tranche de postérité. Son visage pâle s'était endurci, à esquiver toutes les flèches. Il ne tremblait plus vu d'ici, même pas pour allumer la mèche dans ce petit sol. À la ville est en feu, les plaisirs charnels sont à quelques lieues. Attablés buvaient la vie avec un zeste de passion, toujours avare de compromis, jamais laissé à l'abandon. Son regard s'arrêta net sous ce feu qui ne couvait plus. Elle n'en perdait pas une miette jusqu'à se consumer la vue dans ce petit sol. À la ville est en feu, les plaisirs charnels sont à quelques lieues. Puis les pompiers sont arrivés à l'abri de ces âmes perdues, pointant leur lance vers la scène. Ils ont surpris toute la tribu. Alors la crue s'est amorcée, charriant tout jusqu'au delta. Des roses ardentes poussent désormais sur la tombe de petits soldats. On a le temps d'en faire une petite dernière ? Impeccable. Ton nom est personne, sans tête ni Smith et Wesson. Le salon est un rade qui ne fait pas crédit. Tout juste quelques mélasses à te donner le tournis. Alors tu traînes ton spleen, un peu comme un butin dans la rue. Chaque vitrine est un miroir sans fin. Passer ces quelques verres, tu ne parles plus vraiment la langue de Molière. Et de son plus proche confident est un réverbère, le trottoir. Et c'est n'est pas jonché d'étoiles, mais le rêve oublié par des hommes en cavale. Allez, ah, Babylone. Il y a des éphémères attirés par la lumière des chapelles. Pour l'enfer, regardez les yeux ouverts. Pas lâcher l'affaire, lâcher l'affaire. Tu te voyais déjà en haut de la piche, plutôt perdu dans un supermarché. À demander le bac chiche pour chaque cali rangé. T'avais pas tes entrées sur le green pour travailler ton swing, fumer des barreaux de chaises, filer à l'anglais. Passer minuit le carrosse se transforme en citrouille. Les corps couverts de coups tracent le chemin des embrouilles. La ruée vers l'or à la saveur du trou noir, toujours vers l'ouest. Fuis le regard, ah ah, Babylone. Il y a des éphémères attirés par la lumière des charters. Pour l'enfer, regardez les yeux ouverts. Pas lâcher l'affaire, lâcher l'affaire. Merci beaucoup.